sur Radio Cagné. Suis ton cœur qui insiste sur Radio Cagné. Ce monde n'est pas le tien. Viens, va voir si et persiste sur Radio Cagné. Résiste qui sur Radio Cagné. Coucou, coucou, vous êtes bien sur Radio Cayenne, ici Nine. Bonjour, bonjour tout le monde, à toutes et à tous. Vous êtes peut-être chez vous à nous écouter parce qu'il fait beaucoup trop chaud dehors et vous cherchez un peu de fraîcheur dans cette journée d'été. Alors, une petite chronique, oulala, faite à l'arrache, faite sur le tas, mais mine de rien, un truc dont j'avais un peu envie de parler. En ce moment, il fait chaud, super chaud. Et outre tous les conseils de base qu'on nous ressort tous les ans en cas de grosse chaleur, à savoir s'hydrater, fermer les volets chez soi pour gagner 5 degrés, porter des t-shirts trempés, la chaleur ça peut être un facteur de difficulté supplémentaire pour un tas de gens en fait. Que ce soit des personnes non valides qui déjà ont des douleurs chroniques tous les jours. La chaleur, c'est un truc vraiment très lourd, on se sent un peu ralenti. Et les gens qui souffrent de dépression aussi ou d'anxiété. Et ces choses-là, en fait, que ce soit chronique, ponctuelle, que ça apparaisse tout à coup dans ta vie, ou même que la dépression, l'anxiété, t'as l'impression que c'est un peu des vieilles amies de toujours. Ouais, là, j'ai plutôt parlé de la dépression, vu que c'est ce que je connais le mieux, ça cette fâcheuse tendance à tout ralentir et à tout rendre plus compliqué. Et même les tâches les plus simples, ça peut sembler vraiment insurmontable, genre faire la vaisselle, le rangement, le ménage, classer ses papiers. Tout est super lourd en fait, tout paraît montagne, c'est plus dur de réfléchir, c'est plus dur d'organiser ses idées et c'est plus dur de s'organiser tout court. Et parfois c'est tellement compliqué que même s'alimenter, même juste manger, ça devient super compliqué. Parce que parfois il n'y a rien qui te fait envie dans ton frigo, il n'y a rien qui te fait envie dans ton placard. Quand tu tapes sur Marmiton les ingrédients que t'as chez toi, ça te suggère des recettes où il faut éplucher, découper, faire revenir, blanchir, assaisonner. Et bon, des fois t'as que deux plaques, une mini casserole et une mini poêle, une passoire pour les pâtes qui est déjà sale, il faudrait laver ton assiette et tes couverts. Et puis rien que d'y penser à tout ça, tu soupires et tu préfères te rouler en boule dans ton lit. Alors c'est une petite chronique... T'as pas la prétention d'être exhaustive, c'est juste des tips, des astuces que j'ai trouvées à droite à gauche, parfois toute seule, parfois sur le net. Je me suis pas mal inspirée d'un article qui s'appelle « La dépression, c'est pas de la tarte », que vous pouvez retrouver sur le webzine Simonet, S-I-M-O-N-A-E, qui est un webzine féministe qui est vraiment sympa, avec plein d'articles sur des tas de sujets, si vous voulez aller faire un tour sur Simonet, S-I-M-O-N-E. Alors, déjà, avant de parler bouffe, on va parler de la vaisselle. Bah, la vaisselle, des fois... Bouh, la vaisselle, ah bah la vaisselle. Bah, des fois, c'est un gros dos dans ton évier, en fait. Bah, pour pouvoir faire la cuisine, c'est quand même plus pratique, j'aurais rien à t'apprendre, d'avoir une cuisine un peu dégagée. Si t'as un gros dos dans ton évier qui traîne comme un boulet depuis des jours, bah, n'hésite pas à demander l'aide d'un ou d'une pote pour t'en débarrasser, vraiment. C'est un truc dont il faut pas avoir honte... Ça passe plus vite quand on fait à deux, c'est plus simple et ça peut passer un moment sympa. Et hésite pas à appeler un copain, une copine pour te débarrasser de ce gros tas-là déjà. Essuyer, ranger dans les placards, dégager de l'espace et... Je l'ai fait plusieurs fois et c'est plutôt cool, ça passe plus vite. Puis en même temps, vous pouvez discuter, écouter de la musique, c'est moins chiant. Et pas hésiter à caler un après-midi et faire ça tout doucement. Ensuite, pour manger, et voilà, le type de vaisselle que j'aime bien utiliser quand j'ai... Soit quand j'ai vraiment la flemme ou que ça va pas vraiment et que j'ai pas l'énergie de sortir l'assiette, les couverts, patati patata. Le grand bol et le mug, je trouve que c'est deux must, c'est vraiment beaucoup plus facile à laver. Et en plus si j'ai envie de manger sur mon lit, planqué sous ma couette, devant le PC ou devant le téléphone, à regarder un film ou une série, bah, y a moins de chances que je foute de la bouffe partout et que ça me fasse du taf en plus pour nettoyer ce que je renverse. Pour boire, parce que boire c'est important aussi, bah la petite bouteille à côté du lit c'est un truc classique, ou une gourde, un truc qui se ferme, et plutôt que d'avoir des verres à laver qui traînent à chaque fois, bah tu peux le re-remplir à chaque fois. Et le fait d'aller faire les courses c'est compliqué aussi, bah tu peux utiliser la même technique que pour la vaisselle, tu peux te rencarder avec des copines ou des copains, y aller ensemble, faire chacune ses courses, ou même des courses communes, puis pourquoi pas après... Vous pouvez manger ensemble aussi et cuisiner, ça fait toujours un truc sympa, ça permet de voir des gens. de faire des trucs et de faire une activité. Et si ton budget ne permet pas toujours faire des courses, la récup à deux, c'est plus rigolo, c'est des trucs qui marchent plutôt bien. Et c'est plus pratique pour porter les sacs. Alors, en termes juste de cuisine, en général, ce qui gave un peu quand on n'a pas envie ou pas la force de cuisiner, c'est qu'on a l'impression de tout le temps bouffer la même chose. Et un truc de base qui aide beaucoup, j'ai l'impression, c'est de varier les épices et les aromates. Alors, si t'en as vraiment pas et que t'achètes tout en même temps, ça fait cher dans le budget, mais faut pas hésiter à commencer par les plus communes, les plus polyvalentes, et t'en prends une de temps en temps. Alors, je faisais un petit tour de table en off, en régie, on m'a cité le curry, le cumin, les herbes de Provence, le basilic, le rassélanoute, la noix de muscade aussi, c'est très pratique. En condiment, t'as la sauce soja aussi, c'est un inconditionnel, tu peux la trouver sucrée, salée, t'as la sauce Maggi aussi qui est pas mal. Ça assaisonne n'importe quel plat et ça remplace tout à fait bien le sel. Et c'est pas super équilibré, mais le ketchup, c'est de l'eau et du sucre, mais ça peut se révéler aussi un allié précieux. Ça m'a souvent sommé la mise quand j'oubliais un truc sur la poêle et que ça grillait un peu trop. Ça rattrape le goût. Ou quand j'essayais de cuisiner un truc et que je me retrouvais très frustrée et un peu au bord des larmes au-dessus de ma poêle ou de ma casserole parce que ça me semblait complètement fade et j'étais dégoûtée d'avoir fait tant d'efforts pour rien. Un peu de ketchup, ça relève le goût, mine de rien. Et c'est pour ça que ça a été créé à la base après la Seconde Guerre mondiale, en fait. Quand il n'y avait plus rien à bouffer, c'était pour relever le goût de tous les plats. Et le ketchup, en plus, tu peux le diluer dans un pot de crème fraîche ou de la crème de soja ou végétale, si t'es vegan. Tu peux aussi y mettre des herbes, c'est déjà un peu moins monotone et ça fait une sauce vraiment pas chère. Après, en sauce toute prête, un truc pas mal, c'est la sauce aux légumes en pot de n'importe quelle marque discount en grande surface. Un grand pot d'un demi-litre, t'en as pour entre 60 centimes et 1 euro. Ça peut te resservir pour 4 ou 5 portions. Et en général, c'est aussi entièrement végé, ce qui est vraiment plutôt sympa. Les légumes, c'est vraiment un truc compliqué. C'est parmi les choses qui demandent le plus de préparation. Tu peux soit profiter des moments où t'as le plus d'énergie pour prédécouper, congeler si t'as un congélateur. Et si t'as un congélateur directement surgelé, ça revient un peu plus cher. Mais c'est quelque chose que tu peux laisser dans ton congélateur le temps que tu veux. Ça se perd pas. Ça sera toujours là. Et tu peux trouver pas mal de bases, comme les oignons prédécoupés ou des carottes. Les conserves, c'est un bon joker aussi à avoir en stock. Les haricots rouges, les lentilles, les asperges, les petits pois, les haricots verts, des olives si t'as envie de grignoter et j'en passe. Ça se conserve aussi très longtemps, des années, voire ça ne périme jamais, je pense. Et tu peux aussi toujours les avoir sous la main. Ensuite, pour les féculents, je trouve ce qui marche bien quand on en a marre du riz et des pâtes, c'est de les varier. Souvent, c'est un truc qui coûte parmi le moins cher quand on fait les courses. Et je suis pas une pro des légumes, donc j'aime bien varier aussi. Ça se garde longtemps au sec, il y a peu de risques que ça se perde. Et outre le riz et les pâtes, la semoule, c'est chouette. En plus, on peut mettre des épices facilement. C'est facile à faire. Le boulgour, il y a du quinoa, des fois en vrac, quoique c'est peut-être un petit peu plus cher. Mais il y a aussi tout ce qui est alternative pour faire des tartines, des choses comme les pitas, des baguettes pré-cuites, des cracottes, des biscottes. Ça permet de faire des tartines toujours facilement et t'as toujours une petite base de pain sous la main. Et te préparer un casse-croûte à base de pain, c'est aussi s'assurer un minimum de vaisselle, ce qui est vraiment chouette. Et concernant plus particulièrement le riz, mais tu peux aussi cuire la semoule, le boulgour ou divers céréales avec, ce qui me sauve la mise souvent, c'est aussi un rice cooker, un cuiseur à riz. Je trouve ça hyper pratique, tu peux en trouver en petit format individuel, t'es pas obligé d'avoir le gros format familial, et t'en trouves dans la plupart des épiceries asiatiques, en général en centre-ville, à Nantes. Sinon, je pense que t'as moyen d'en commander en ligne et t'as vraiment des modèles tout simples avec un seul bouton à partir de 15-20 euros maxi. Et je trouve que c'est un bon investissement. Oups, investissement, j'ai dit un gros mot. C'est assez valable. Alors, au niveau préparation, c'est hyper simple. Il suffit de mettre ta bonne quantité de riz, la bonne quantité d'eau, t'appuies sur le bouton, hop, ça cuit tout seul et ça reste en position restée au chaud automatiquement. Aucun risque de cramer le fond de ta casserole et ça t'enlève déjà un souci de la tête. Un truc qui marche assez bien aussi, que je faisais souvent à la fac et qui peut être pas mal quand on a un micro-ondes, c'est de la semoule déshydratée, on en parlait tout à l'heure, et on y ajoute n'importe quel légume en boîte. Donc, petite recette, en 30 secondes chrono. Tu prends ton mug, tu verses ta quantité de semoule de couscous au fond. Alors, à ce moment-là, tu peux la parfumer avec des épices, des aromates. Ajoute par-dessus des légumes en boîte de ton choix. Haricots verts, petits pois carottes, ça marche assez bien. Puis verse par-dessus tout ça la quantité d'eau bouillante nécessaire à la cuisson de ta semoule. Fais chauffer puissance maximum 2-3 minutes maxi au micro-ondes, puis sors ton mug, fais attention à pas te brûler. Couvre avec une assiette ou un couvercle, ça dépend ce que t'as sous la main, le temps que la semoule gonfle. Mélange de temps en temps jusqu'à ce que ça te semble prêt. Le concentré de tomate en brique en option si t'as envie, c'est plutôt pas mal. Et hésite pas à ajouter des condiments ou des aromates si tu trouves que ça n'a pas assez de goût, que c'est pas terrible, les trucs qu'on a cités tout à l'heure. Donc voilà, niveau vaisselle, c'est un mug, une fourchette. C'est vraiment ce qu'il y a de moins encombrant. Sans vaisselle du tout aussi, et c'est un truc qui se fait souvent à l'apéro l'été, mais ça peut faire un petit repas ou un petit casse-croûte. C'est des crudités à tremper. Voilà, des carottes, des concombres, tout ça, que ce soit dans du houmous, du tzatziki, ou encore plus simple, un yaourt nature que tu brasses et que tu peux assaisonner avec des épices, du poivre, un peu d'huile d'olive, et faire trempette. En cas de chaleur, si tu as un petit mixeur, les smoothies, c'est simple et c'est super rapide. Tu peux faire avec plein de bases différentes, surtout avec du yaourt, du fromage blanc, de l'eau avec des glaçons, du lait, et tu peux ajouter tous les fruits que tu veux. Si tu veux un truc plus nourrissant, tu peux ajouter de la banane, même des flocons d'avoine aussi, c'est vraiment super bien pour épaissir un smoothie et te faire un vrai truc qui te cale. Tu peux mettre des fruits rouges, il y a même des fruits surgelés qui existent, même si ça revient en général plus cher. Et c'est bien aussi pour les fruits qui ont plus l'air très très frais, que t'as pas trop envie de manger comme ça parce qu'ils commencent à faire un peu la tronche. Tu peux les manger rapidement. Alors le smoothie, ça se conserve pas trop par contre, en général tu le fais et tu le bois tout de suite. Et si tu veux, si t'as envie de faire des choses un peu plus élaborées avec un minimum d'étapes quand même, tu peux aller regarder sur les internets, il y a plein de blogs, il y a plein de gens qui font des blogs de cuisine, et un truc qui marche assez bien en ce moment, c'est le One Pot Pasta ou le One Pot Rice, donc One comme un, O-N-E, Pot, P-O-T, Pasta ou Rice comme pâte ou riz. Alors le principe, c'est que tu as une seule casserole et tu fous tous les ingrédients dedans. Il y a juste une petite quantité d'eau à respecter, mais en général, c'est assez bien expliqué. En cas de déprime, y a un moment difficile dans la journée, en général, c'est le matin, le réveil, même si des fois les deux correspondent pas. Et si tu arrives, mais t'es pas obligé, enfin les injonctions c'est un peu nul, manger au moins un peu le matin, ça aide vraiment ton cerveau et ton corps à mieux traverser certaines journées pourries. Ça permet vraiment à ta tête de fonctionner plus facilement, et ça te donne du carburant, de l'énergie. Et y a des choses comme le porridge, le fromage blanc, c'est assez nourrissant, c'est facile à faire et ça donne des protéines le matin. Et ça, c'est chouette. Et en cas vraiment de jour où ça va vraiment pas, de moment où ça va vraiment pas, où je suis au fond du trou, ça m'est déjà arrivé de consommer des repas en poudre. Alors, je parle pas des substituts hypocaloriques. Ah là là, y a quelqu'un qui fait une tête dans la régie qui va m'assassiner, mais je vais m'expliquer. Je suis pas en train de parler des substituts hypocaloriques là vendus prétendument pour maigrir, mais des repas complets sous forme de poudre. Tu mélanges à de l'eau, tu passes au shaker, c'est fait. Alors le goût, c'est franchement pas terrible, même si avec du lait végétal ou de la cannelle, c'est plus sympa que l'arôme vanille carton. Mais honnêtement, quand de toute façon, y a aucune bouffe qui me fait envie, j'ai l'impression que rien n'a de goût, y a rien qui me fait envie. Bah ça a le mérite de me caler et de permettre à mon corps de fonctionner. Et au moins j'ai pas à réfléchir à ce que je dois manger, préparer, acheter. Et j'ai trouvé ça assez utile quand rien que le fait de se nourrir, ça devient une charge émotionnelle trop lourde à porter, que je flippe parce que je culpabilise et je me dis « Ah, là je me suis nourri, mais c'est tellement pas équilibré et ça me donne mal au ventre parce que c'est trop acide ou c'est trop gras, du coup ça me brûle l'estomac, ça me brûle l'œsophage. » Et je me dis, ah, je vais encore grossir, et c'est mal, et ça fait tout un tas de trucs pas cool dans la tête. Bah, ça permet, un temps, de temps en temps. Enfin, moi je trouve pas ça bien de faire tout le temps, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Bah, ça permet de retrouver un rapport à la bouffe fonctionnel, en fait. Où ça me prend pas la tête, ça me prend pas le bide, ça me prend pas le corps. Et voilà, c'est juste fonctionnel, et je sais que je serai calé, que mon corps fonctionnera, et que je vais pas tomber dans les pommes. Bon, je vais pas te citer de marque, t'en as pas mal en ligne, et ce qui est bien, c'est que la plupart sont véganes, et ça revient environ à 1,50€ par repas. Ce qui peut être assez accessible si t'as pas d'autres solutions. Donc voilà, c'était une chronique un peu sur le thaï, un peu à l'arrache. C'est inspiré, comme je l'ai dit au début, un peu de l'article du site Simonet, S-I-M-O-N-A-E, et l'article s'appelle « La dépression, c'est pas de la tarte », et aussi d'expérience perso. Alors j'ai bien conscience que tout ça, c'est propre à chacun chacune, et que se lever parfois, c'est la grosse victoire de la journée, qu'il n'y en aura pas d'autre. Juste, voilà son propre rythme en fonction de ce que ton corps et ton cerveau te permettent de faire. Et si t'as envie de regarder d'autres trucs sur le sujet, il y a une chouette fille qui s'appelle Margot, et qui a une chaîne YouTube qui s'appelle « Vivre avec ». Elle parle du fait de vivre au quotidien avec une maladie qui s'appelle le syndrome d'Esther dans l'os, et elle donne souvent plein d'astuces pour faciliter le quotidien, quand on n'est pas en possibilité physique ou psychique de tout faire comme on voudrait. C'est vraiment super doux, c'est super bienveillant et tout ça, et je recommande vraiment beaucoup beaucoup. Voilà voilà, c'est la fin du coup, je pense qu'on va enchaîner avec un petit peu de musique. Et en tout cas, eh ben, si vous êtes dans ce cas-là et que des fois, c'est vraiment trop dur dans sa tête et dans son corps, même pour manger, ben, j'ai envie de vous faire de gros bisous si vous en avez envie et de vous dire que, bah, déjà, eh ben, vous écoutez Radio Cayenne et que déjà c'est chouette, vous êtes pas tout seul, vous êtes avec nous. Et que, bah, je suis sûre qu'il y a eu plein de petites victoires dans votre journée, rien que de vous réveiller et de passer la journée tranquille, c'est déjà hyper chouette. Voilà, on vous aime très fort.